Ah bah ben ouais, faire ça. Dans ta vie c'est compliqué bébé. Tu veux une vie de couple ou une vie de fou bébé? C'est vrai que je t'aime mais je suis pas du tout rassurée. Je te donnerai pas mon cœur si tu comptes tout gâcher bébé. T'as l'air étrange, faut toujours que je m'y fasse. Derrière ces mensonges, dis-moi ce que tu caches. Je suis ta copilote mais j'ai peur de ce qui reste à venir. Faut que j'arrête de réfléchir, je laisse passer un autre avenir. J'ai toute ma life donc j'y crois encore. Je ne veux pas entendre que l'amour est mort. C'est l'histoire de toute ma life, oui j'y crois encore. Rappelle-moi pourquoi je t'appelle mi amor. Bébé suis-moi dans ma folie, je conduis le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Si je te sais dans ta folie, laisse-moi le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Bébé suis-moi dans ma folie, je conduis le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Si je te sais dans ta folie, laisse-moi le bolide. Surveille le rétro. Je n'aime pas te disquieter, mais ma vie veut le contraire, il ne faut pas t'inquiéter. Je t'aime, je te le promets, j'ai beaucoup de choses à régler. J'essaie d'être correct, oui je sais tu m'as cerné. J'ai plus le droit d'être en colère. Mais la vie que je mène aujourd'hui, ça m'amène à agir. Bizarrement, je me reconnais pas. Mais tu peux me faire confiance, ma chérie. Ma folie a des limites malgré mes faux départs. Je ne veux pas te faire du mal, non, je ne veux pas te faire du mal. Ne m'en veux pas quand je rentre à bas vers les 5-6 heures du mat. Viens se barre sur une île, viens se barre loin de la ville. Je vais te remplir le cœur et t'aider à faire le vide. Bébé, suis-moi dans ma folie, je conduis le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Si je te sais dans ta folie, laisse-moi le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Bébé, suis-moi dans ma folie, je conduis le bolide. Surveille le rétro, le monde est à nous. Si je te sais dans ta folie, laisse-moi le bolide. Surveille le rétro. Thank you.